ce n'est qu'un point de poésie. Dans le ciel des matins de pluie, le satin rose de ta peau, que je caresse avec des mots. C'est un baiser un peu futile, dans un tendre matin d'avril. C'est une bouteille à la mer, une oasis dans le désert. Fan de chansons françaises de tous les temps, et tous les autres aussi, bonjour! Vous êtes bien sur Radio Fagette Nancy 94.2. Daniel avec vous, Yves à la technique, pour vous présenter votre troisième émission de la cerise sur le canto, consacrée à la chanson française. Alors, toujours pareil, des chansons connues et d'autres bien moins connues, voire totalement oubliées, que nous nous efforçons de ressortir avec plaisir. Et puis un jury qui classe les chansons programmées et qui élit les trois gagnantes de l'émission, jury auquel vous pourrez bientôt participer en allant sur la page Facebook « La cerise sur le canto ». Voilà, résultat de l'émission précédente. Est arrivé troisième, médaille de bronze, donc pour Marie Laforêt, il a neigé sur Yesterday. Classé second avec son magnifique cadeau de Noël, Benabar Bruxelles. Je n'avais pas de cadeau pour t'offrir à Noël. J'en voulais un très beau. J'ai pensé à Bruxelles. Offrir une ville, c'est vaniteux. Je le reconnais, mais je m'en fous. Parce que c'est quand même mieux

je m'en aille. Je t'ai raconté mon mariage à la mairie d'un petit village. Je rigolais de mon plastron quand le maire essayait de prononcer mon nom. Buvons encore, buvons encore, une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie. On a fêté de retour. Je n'ai pas écrit toutes ces années, et toi aussi, t'es marié, t'as trois enfants à faire manger, mais j'en ai cinq, si ça peut te consoler. Buvons encore, buvons encore, une dernière fois, l'amitié, l'amour, la joie. Buvons encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie. On a fêté nos retrouvailles. Ça fait la peine, mais il faut que je m'en aille encore. Buvons encore une dernière fois à l'amitié. La peine, mais il faut que je m'en aille. Voilà maintenant la sélection d'aujourd'hui, sur laquelle vous allez pouvoir établir votre tiercé en rejoignant la page Facebook La Cerise sur le Canto. Pour commencer, un passodoble créé en 1938, le cinéaste François Truffaut l'a utilisé dans son film Le Dernier Métro, Sombreros et Mantilles Rinaketti. Que chantent les señoritas si brunes, quand lui sur la plaza la lune. Je revois dans un boléro sous la charmille des Carmen et des Figaro dont les yeux brillent. Je sens revivre dans mon cœur en dépit des montagnes un souvenir charmeur ardent comme une fleur d'Espagne. J'ai vu toute l'Andalousie, berceau de poésie et d'amour. Sérénade sous les tours. J'ai quitté le pays de la guitare, mais son doux souvenir à mon âme s'égare. Dans un songe souvent, tandis que mon cœur viennent de là-bas. Je revois les grands sombreros et les mantilles. J'entends les airs de fandangos et ses guédilles. Que chantent les señoritas si brunes quand lui sur la plaza la lune. Je revois dans un boléro sous les charmilles des Carmen et des Figaro dont les yeux brillent. Je sens revivre dans mon cœur en dépit des montagnes un souvenir charme ardent comme une fleur d'Espagne. Rina Ketty, c'était une super vedette des années 40 et 50. Dans son tour de chant, elle prenait une pause de temps en temps, mais restait sur scène, et les spectateurs demandaient qu'elle chante leur chanson favorite. Alors, il y en a qui demandaient « J'attendrai », d'autres « La Madone aux fleurs », d'autres « La Serena d'Argentine », et beaucoup d'autres. Alors, très malicieuse, Rina Ketty laissait mijoter un peu, et d'un seul coup, elle lançait « Après tout, je chanterai bien ce que je veux. » Et le tour de chant continuait. Passons à autre chose. Sélectionnée pour représenter la France au concours Eurovision de la chanson 2018, Madame Monsieur se classait en milieu de tableau à la 13e place sur 26. Dommage, on y croyait, on nous avait tellement dit qu'ils étaient favoris. La chanson relate la naissance d'un bébé sur une embarcation de migrants qui fuit la guerre. Christophe Willem, un des animateurs du concours, a déclaré « Si merci, merci c'est le nom de la chanson, si merci est mal placé, c'est que la chanson a dérangé, donc elle aura été utile. Madame, monsieur, merci. » Je suis née ce matin, je m'appelle Merci. Au milieu de la mer, entre deux pays, merci. C'était un long chemin et maman l'a pris. Elle m'avait dans la peau 8 mois et demi. Oh oui, 8 mois et demi. On a quitté la maison, c'était la guerre. Sûr qu'elle avait raison, y avait rien à perdre. Oh non, excepté la vie. Je suis née. Je suis née ce matin, je m'appelle Merci. On m'attend. voilà maintenant une ballade romantique qui parle d'un étranger un peu éthéré, doux rêveur et sans attache, le métèque Georges Moustaki. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Valentine, Valentine. Ah, cette chanson légèrement grivoise et humoristique créée en 1925 fut un triomphe pour Maurice Chevalier et elle contribua à lancer durablement sa carrière. Il eut quand même quelques soucis, Maurice Chevalier, et précisément avec les tétons de Valentine. Alors je ne sais pas si les tétons de Valentine ont fait beaucoup couler de lait dans la gorge des nourrissons, mais en tout cas ils ont fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Et un jour, Maurice Chevalier, c'est à Paris d'ailleurs, devait se produire dans un gala un peu particulier. Il y avait là le roi d'Espagne, qui était à l'époque Alphonse XIII, son épouse Victoire Eugénie, le protocole, le gouvernement français, bref, une assistance bien guindée, genre de ce qu'est exécré Maurice Chevalier. Et il ne pouvait pas faire l'impasse sur cette chanson Valentine, c'était son grand succès du moment. Donc il a chanté Valentine, craignant que de choquer les oreilles de ses invités. Bon, en fait, sitôt son tour de sang, il s'est éclipsé le plus vite possible. Et c'est quelque temps après, alors qu'il était au casino de Paris, dans un tour de chant, il a reçu la visite d'un diplomate que lui envoyait Alphonse XIII, qui lui a dit tout simplement, ben voilà, le roi aimerait bien que vous lui donniez les paroles parce qu'il entend apprendre la chanson. Bon, ça c'était Alphonse XIII. Et puis en 1928, Maurice Chevalier reprend cette chanson pour l'intégrer dans un film tourné aux États-Unis. Le film c'est La chanson de Paris. Et pour ne pas choquer le public puritain américain, là il en modifie carrément les paroles. C'est ainsi que les paroles de sa première version. Elle avait de tout petits tétons que je tâtais à tâtons, tonton, tontaine, deviennent. Elle avait un tout petit piton que je tâtais à tontaine. Le piton, c'est le nez, bien entendu. Alors, pour savoir quelle est la version qui est programmée, ben c'est très simple. Vous voyez s'il s'agit des tétons ou du piton. La version programmée aujourd'hui est donc postérieure à 1928. Valentine Maurice Chevalier. On se rappelle toujours sa première amie. J'ai gardé de la mienne un souvenir pour la vie. Un jour qu'il avait plu, tous deux on s'était plu. Et puis on se plut de plus en plus. Je lui demandais son nom, elle me dit Valentine. Et comme elle prenait chaque jour la rue Custine, je pris le même chemin. Et puis je lui pris la main, je l'embrassais enfin. Elle avait de tout petits potons, Valentine, Valentine. Elle avait un tout petit piton que je tâtais à tâtons. Tonton, tontaine, elle avait un tout petit menton, Valentine, Valentine. Outre ses petits potons, son petit menton, elle était frisée comme un mouton. Sur le boulevard, je rencontre une grosse dame avec de grands pieds, une taille d'hippopotame. Vivement, elle me saute au cou, me crie « Bonjour mon loup ». Je lui dis « Pardon madame, mais qui êtes-vous ?» Elle me répond « Mais c'est moi, Valentine ». Devant son double menton, sa triple poitrine, je pensais rempli d'effroi qu'elle a changé ma foi. Dire qu'autrefois, elle avait de tout petits potons, Valentine, Valentine. Elle avait un tout petit piton que je tâtais à tâtons. Tonton, tontaine, elle avait un tout petit menton, Valentine, Valentine. Outre ses petits potons, son petit piton, son petit menton, elle était frisée comme un mouton. Voilà, maintenant une chanson qui s'est classée 10e dans les classements de la chanson française. Nous y reviendrons. Elle fut reprise entre autres par Daniel Massia, Hervé Villard, Michel Pellet, Florent Pagny, Cheb Mami, Alain Bachung et Vox Angeli. C'est bien entendu Il voyage en solitaire, Gérard Manset. Il voyage en solitaire, nul ne l'oblige à se taire. Il chante la terre, il chante la terre. Et c'est une vie sans mystère qui se passe de commentaires pendant des journées entières. Il chante la terre, mais il est seul. Un jour, l'amour l'a quitté, s'en est allé faire tour de l'autre côté d'une vie où il n'y avait pas de place pour se garder. Il voyage en solitaire et nul ne l'oblige à se taire. Il sait ce qu'il a à faire. Il chante la terre. reste le seul volontaire. Puisqu'il n'a plus rien à faire, plus fort qu'une armée entière, il chante la terre. Mais il est seul, un jour, l'amour l'a quitté, s'en est allé faire un tour de l'autre côté du puits où il n'y avait pas de place pour se garer. Et voilà le miracle en somme, c'est lorsque sa chanson est bonne, car c'est pour la joie qu'elle lui donne qu'il chante. Ça y est, là je suis chaud. J'ai un coup de gueule à passer. Ah bah oui. En parlant des différents classements, ouais, la meilleure chanson française de tous les temps, moi je veux bien. Le problème c'est que la plupart sont basés sur des titres proposés. Alors, si un titre n'est pas proposé au départ, bah, je me demande comment il est classé à l'arrivée, n'est-ce pas ? Disque suivant. Ténor basque espagnol. Il fut surnommé le prince de l'opéra. Ça y est, vous l'avez. Il jouissait d'une grande popularité en Amérique latine, en France, en Espagne et au Québec. Il vécut la majorité de sa vie en France et sa tombe est encore visitée et fleurie par ses fans plus de 40 ans après son décès. Figurez-vous que des démarches qui n'ont pas abouti ont même été entreprises pour le faire canoniser. Luis Mariano, Rossignol de mes amours. Il était une fois une fille de roi, au cœur plein de tristesse, enfermée nuit et jour au sommet d'une tour, elle pleurait toujours. Un jour prenant son vol, un gentil rossignol vint dire à la princesse: je t'apporte l'espoir et c'est pour le revoir qu'elle chantait le soir. Rossignol, minuit sonnera, quand la lune brillera, viens chanter sous ma fenêtre. Rossignol, rossignol de mes amours, quand ton chant s'élèvera, mon chagrin s'envolera, et l'amour viendra peut-être. Ce soir, le rossignol revint, se posa sur la main de la belle princesse. Elle le caressa, puis elle l'embrassa, et il se transforma en un prince charmant qui devint le galant de sa jolie maîtresse.

entends ma voix sur un écho des jours heureux. Écoute-la comme si c'était la première fois. Entends ma voix qui tanguait pour ne pas mourir. Elle chante encore, et quand bien même toi tu m'oublies, entends ma voix sur un écho des jours heureux. Écoute-la. La prochaine chanson est incluse dans l'album Solidarité Asie, qui a été vendu au profit de l'organisation Action contre la faim en 2005. Et puis une anecdote de 2006, les enfants de l'école du village de Peillac chantèrent cette chanson lors du départ en retraite de leur instituteur. C'est alors que la SACEM va réclamer 75 euros à l'école au titre de droit d'auteur. Grosse polémique, la SACEM n'en démord pas, l'école ne veut pas payer, et c'est finalement Hugo Frey qui paiera les 75 euros, marquant ainsi son mécontentement avec cette demande. Adieu, monsieur le professeur Hugo Frey. Les enfants font une farandole, et le vieux maître est tout ému. Demain, il va quitter sa chère école. Sur cette estrade, il ne montera plus. Adieu, monsieur le professeur, on ne vous oubliera jamais. Et tout au fond de notre cœur, ces mots sont écrits à la craie. Nous vous offrons ces quelques fleurs pour dire combien on vous aimait. On ne vous oubliera jamais. Adieu, monsieur le professeur. Une larme est tombée sur sa main. Seul dans la classe, il s'est assis. Il en a vu défiler des gamins qu'il a aimés tout au long de sa vie. L'assistance se lève une dernière fois, les enfants vont chanter. Yeah. Adieu, monsieur le professeur, et place maintenant à Nolwenn Leroy, qui a remporté la finale de la Star Academy en 2002. Et c'est une des chanteuses les plus appréciées des Français, déjà 3 millions de disques vendus, et il y en aura bien d'autres. Alors, Nolwenn est très engagée dans des causes caritatives, Fondation Abbé Pierre, Téléthon, Resto du Cœur, le SIDAction, la Télévie, l'UNICEF, SOS Racisme, l'hôpital Necker pour les enfants malades, Laurette Fugain, Grégory Lemarchand, qui est un ex-candidat de la Star Academy, Cœur des Anges, Paroles de Femmes, Maud Fontenoy et bien d'autres. Une très belle voix et une chanteuse bien sympathique, la ballade nord-irlandaise Nolwenn Leroy. J'ai voulu planter un oranger là où la chanson n'en verra jamais, là où les arbres n'ont jamais donné que des grenades. Jusqu'à Derry, ma bien-aimée, sur mon bateau, j'ai navigué, j'ai dit aux hommes qui se battaient, je viens planter. Chanteuse suivante est une ex-pensionnaire du petit conservatoire de la chanson dirigé par Mireille. Et puis retour à la Star Academy, Alice Donna est également la mère de Raphaël Ricci, vous savez, la prof d'expression scénique de la Star Academy. elle n'est ménagée pas, les stars académiciens. Alors, résolument pour la chanson française, laissez passer la chanson Alice Donna. Écartez-vous les vilains canards, les pauvres moutons belles en leur cafard. Écartez-vous les ânes qui n'aiment que le son. Laissez passer la chanson. Il y a du soleil sur le petit chemin, une éclaircie qui part vers demain. Dans l'air du temps on sent comme un frisson. Laissez passer la chanson. Il y a plus de vedettes et il y a plus de stars, mon pauvre Lulu. Il y a des millions de joueurs de guitare. Écoutez-vous dans le transistor, c'est bon. Laissez passer la chanson. Tape dans tes mains, monsieur le ministre, sur ton voisin, monsieur le sinistre. Faites-vous bonjour dans la télévision. Laissez passer la chanson. Si qu'on disait qu'on aurait 10 ans, ça va déjà pas mal en le disant. Oui, mais en le chantant, c'est beau comme un camion. Laissez passer la chanson. Mais non, il n'est pas mort, le poète. Le fou chantant des lyres sur cassette. Et Brassens fait la la la au Panthéon. Laissez chanter ma chanson. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Du premier cri au dernier soupir, prenez toujours le temps de sourire pour qu'il y ait du soleil sur vos balcons. Laissez passer la chanson. Écartez-vous les vilains canards, les pauvres moutons belles en leur cafard. Écartez-vous les ânes qui n'aiment que le son. Laissez passer la chanson. Ba-la-la-la-la-la-la-la. Je vous ai parlé aujourd'hui du nombre de disques vendus. 10 millions pour Franck Michael, 3 millions d'ores et déjà pour Nolwenn Leroy. Et le record de disques vendus par une chanteuse est actuellement détenu par Madonna. 300 millions de disques. Alors, est-ce l'effet produit par le lancer de sa petite culotte à des fans en rute, avides de luxure ? Va savoir. En France, en 1987, quand elle lança La Chose, c'était en direction de Jacques Chirac. Heureusement, c'est pas lui qui l'a rattrapé, sinon t'aurais vu la tronche à Bernadette. Un peu de dignité, Jacques. Nana Mouskouri, qui a débuté sa carrière en 1958, a enregistré plus de 1500 chansons en français, en grec, en anglais, en allemand, en néerlandais, en italien, en espagnol, en japonais et en gallois. Ouf ! Elle n'a jamais lancé sa petite culotte. Ah ben non, jamais. Ni dans un tour de chant, ni au Parlement européen, dont elle fut membre dans les années 90. Mais elle talonne Madonna en nombre de disques vendus dans le monde. Nana Mouskouri chantait la vie. Thank you. du soleil. Voilà, c'est ainsi que va s'achever l'émission La Cerise sur le Canto. Je vais remercier Yves pour sa prestation à la technique. Merci aux auditeurs pour votre fidélité. Et si vous le souhaitez, nous aurons le plaisir de vous retrouver dimanche prochain avec la formule Patchwork et dans 15 jours avec une nouvelle émission de La Cerise sur le Canto. En attendant, faites votre tiercé sur la page Facebook La Cerise sur le Canto. Et en attendant, soyez heureux à l'écoute de Radio Fagette 94.2. Au revoir.